Chapitre 2e. Le 9 avril 1858, je m'embarquais sur le bateau à vapeur anglais, le Tyne. Je partageais la cabine numéro 21 à bâbord avec un brave professeur nommé Trinane. Nos deux ou trois premiers jours furent employés à nous installer, à nous observer les uns et les autres. Presque tous les passagers étaient français, anglais, portugais ou brésiliens. Cependant, le bruit vint à se répandre qu'un prince allemand était à bord. Il allait, disait-on, à Lisbonne, pour y épouser la princesse de Portugal. Rien d'apparent n'indiquait la présence d'un si haut personnage. On se communiquait mutuellement les conjectures les plus burlesques, les suppositions les plus étranges à propos de ce mystère. Naturellement, un prince devait se distinguer par sa fierté. Il devait éviter d'être en contact avec le vulgaire. Peu à peu, tous les regards se tournèrent vers un individu qui, depuis notre entrée sur le navire, avait déjà fait bien des pas en long et en large, sans jamais parler à personne. Je ne savais trop qu'en dire, quoiqu'il m'eût été désagréable d'apprendre que ce long et ridicule personnage fut le futur époux de quelque belle infante. On reconnut bientôt que le prince supposé était un petit diplomate anglais, allant, je ne sais où, prendre possession d'un poste quelconque. Le besoin de savoir à quoi s'en tenir était si pressant qu'on alla ensuite jusqu'à soupçonner de ce glorieux incognito un individu qui avait coutume, après avoir dîné lestement, de quitter subtilement la table, sans bruit, et ne reparaissait plus de la journée. Or, ce pauvre diable, loin d'être prince, était, selon ce que j'appris de son compagnon de cabine, un autre anglais, qui, ayant entendu dire qu'il y avait des diamants au Brésil, s'était débarrassé de tout ce qu'il possédait pour payer son passage et aller à la recherche des pierres précieuses. Il n'avait presque pas de linge et, sauf au moment des repas, il restait couché afin d'économiser le peu qu'il en possédait. Cependant, le sujet véritable de la curiosité universelle était bien réellement au milieu de nous. Vivant comme tout le monde, conversant avec quelques amis, et ses amis étaient ses aides de camp ou des officiers de sa suite. Notre capitaine vint éclaircir tous les doutes en faisant installer pour lui une petite cabane numérotée qu'on plaça près du grand mât, afin qu'il pût jouir du spectacle de la mer à son aise, sans être exposé au grand air qui était toujours très vif. Mais on eut garde de prévenir son Altesse que son nouveau logement avait été construit dans le cours du voyage précédent pour abriter de pauvres gens atteints de cette terrible fièvre jaune qui alors préoccupait tout le monde. Parmi les passagers, les uns jouaient sans cesse, s'injuriaient et semblaient prêts à chaque instant à se prendre aux cheveux. D'autres ôtaient leurs souliers ou leurs pantoufles pour se reposer plus commodément sur les bancs. D'autres, à table, empissaient leur assiette de tout ce qui était à leur portée, arrachaient les plats des mains des domestiques, dévorant tout avec une avidité de cannibale, sans égard pour les personnes placées près d'eux. Enfin, dans tous les coins, couchés autour de la cheminée, à l'avant sur des cordages, souvent sur le pont, un certain nombre d'individus se faisaient remarquer par leur somnolence continuelle. C'étaient de pauvres colons allemands qui, sur la foi de promesses qu'on voit rarement se réaliser, allaient tenter la fortune dans le Nouveau Monde. Le 13, notre vapeur entrait dans le Tage, que je ne vis pas. Il faisait nuit. Nous mouillâmes de très bonne heure devant Lisbonne. En revenant à bord, j'étais de fort mauvaise humeur, et tandis que l'on redescendait le Tage, je me retirais dans ma cabine, sans souci de la célèbre romance, boudant tout le monde, le passé, le présent et surtout mon bottier. M'avait-il fait des chaussures si étroites pour me forcer à penser à lui et à son débiteur? Cependant, le bateau avançait avec rapidité. Les vents alizés soufflaient toujours un peu trop fort, ma fenêtre ne s'ouvrait pas, et je maudissais celui ou celle qui m'avait donné le conseil de me caser à bâbord. De l'autre côté du navire, on jouissait de l'air et de la lumière qui m'étaient refusés. Vers le soir seulement, je quittais mon réduit et je montais sur le pont, précisément au même moment qu'une troupe de musiciens allemands. Distraction inattendue. Chacun des concertants prit sa place en silence et par rang de taille. Puis, un signal donné par le chef d'orchestre, vingt instruments formidables ébranlèrent le navire depuis la quille jusqu'au bar de perroquet. Par une bizarrerie que j'ai souvent remarquée, et de même que maintes petites femmes aiment les tambours majors et vice-versa, les musiciens affectionnent presque toujours les instruments en désaccord avec leur taille. Une petite clarinette échappait au regard sous les doigts énormes d'un honnête et colossal allemand, tandis que son fils, âgé à peine de 10 ans, soufflait avec effort dans un trombone plus grand que lui. Depuis lors, ce concert se renouvela souvent. Le premier jour, on écouta simplement, mais le lendemain, deux aimables messieurs balsèrent ensemble, deux autres les imitèrent. Ensuite, on se hasarda à faire des invitations aux dames, dont les pieds battaient la mesure. Enfin, un bal, digne pendant de la musique, fut improvisé, et tout se passa très bien, sauf quelques petits accidents occasionnés par le roulis. Un abîme, cependant, était sous nos pas, mais qui songe à cela quand on danse? À partir de ce moment, la familiarité entre les passagers devint plus grande, et grâce à ces bons Allemands, on vit des intimités éclore en un jour comme les plantes en serre chaude. Le 14, nous avions aperçu Porto Santo. Le 15, nous arrivâmes devant Madère. C'était un des lieux que je désirais le plus visiter. Malheureusement, nous avions si peu de temps à rester au mouillage que nous pûmes à peine nous faire une faible idée de la ville et de ses habitants. L'embarcation que plusieurs passagers et moi avions louée avait été conduite, je ne sais si c'est maladresse ou habitude, au milieu d'une plage couverte de galets. On n'osait pas encore sauter, car la mer déferlait de telle sorte qu'il y avait risque d'être pris par des lames qui se succédaient avec une grande rapidité. Nos canotiers eurent l'heureuse idée d'atteler deux bœufs à notre embarcation, si bien qu'à moitié chemin nous tombâmes les uns sur les autres, comme des capucins de cartes, ce qui fit bien rire une foule de drôles déguenillés qui probablement s'attendaient à cet agréable spectacle, et au milieu desquels il nous fallut passer mouillés jusqu'aux os et par conséquent de fort mauvaise humeur. Heureusement, une autre troupe vint faire diversion en nous amenant des chevaux tout scellés et tout bridés. Chacun de nous en prit un. Nous allâmes visiter une église dont j'ai oublié le nom. En route, disait-on, nous aurions une vue magnifique. Mais nous passâmes entre des murs de jardin, tout chargés de plantes grimpantes dont les fleurs retombaient jusqu'à terre. Pour ma part, je fis un bouquet digne d'un marié de village. Madère est un jardin. Tous les fruits d'Europe, ceux des tropiques, y viennent à merveille. On y jouit de la température la plus saine du monde. Les médecins y envoient les malades dont on n'espère plus la guérison. Les Anglais y possèdent les plus belles habitations. Voilà ce que j'ai appris et vu en courant. Je cherchais de tous côtés les fameuses vignes. Elles avaient été arrachées pour faire place à des cannes à sucre. Il paraît cependant qu'on a respecté les ceps de vignes qui sont de l'autre côté de la montagne à l'est. Le 17, nous étions mouillés à Tenerife. Je n'allais pas à terre. On ne nous accordait que 2 heures pour aller revenir. Je dessinais le pic que l'on voit à une grande distance. Le sommet paraît noir. Le reste est couvert de neige. Plus bas, les brouillards empêchaient de voir l'aspect du pays. Le 19, nous étions en vue du Cap Vert. Quelques heures après, nous jetâmes l'ancre à Saint-Vincent, dont l'aspect désolé, sans végétation, me frappa d'autant plus que nous venions de Madère. En parcourant l'île, je ne rencontrai que quelques arbres rachitiques, ressemblant à des genévriers. Des enfants tout nus me suivaient à distance. J'avais soif sous ce soleil ardent. M'étant approché d'une petite citerne, j'allais solliciter de la générosité de deux vieilles négresses un peu d'eau qu'elles tiraient à grand-peine dans leur cruche, mais la couleur rougeâtre du liquide me fit oublier ma soif. Sur la place, dont un détritus de coquillages remplace le sable, un petit obélisque a été élevé à la mémoire d'une femme par son mari, capitaine d'un navire naufragé dont on voit les débris épars.